me lève doucement, avec un pincement qui me perce, au point que la force que j'avais me quitte comme me blesse. Je sentais que mes rêves se froissaient et se dissipaient dans le temps. Je me couche seul, réveille, pleure et achève mes journées pour prier. Éloigné, fait une vie attristée. De mon cœur, je la veux abonner. Je me lève triste, avec des larmes au visage. Mon souhait imposé, qui se laisse pas de traces. Et appuie sur mes mots, change mes forces et les casse. Et je tombe trop à l'idée que mes rêves ne deviennent pas réels. Et finissent tout pousser, se détruisent, s'évaporent ou se hissent dans le ciel. J'imagine pas, car j'ai peur que demain soit un jour où on se perd. Que nos mains se déportent, que nos vies se distraient et nous ferment toutes nos portes. Écoute, n'est pas ça grave, chaque jour que tu fais je me plie. J'entends dans le ciel que la pluie et mes rêves peu à peu se terminent. Écoute, écoute, n'est pas ça grave, chaque jour qui se lève nous délie. J'entends comme un air de ma vie, mes souhaits veut en feu se détruire. Écoute, écoute, n'est pas ça grave, chaque jour que tu fais je me plie. J'entends dans le ciel que la pluie et mes rêves peu à peu se terminent. Écoute, écoute, n'est pas ça grave, chaque jour qui se lève nous dévie. J'entends comme un air de ma vie, mes souhaits veut en feu se détruire. Oui, oui, tu sais que le temps me brise, que je peine de soupir à t'attendre. Ça me sait, de ce lien que je veux, ça me pousse dans un manque. Dans les jours qui se passent, je ressens aussi lourd tout le poids qui s'entasse. D'écouter, te toucher, de mes bras te sentir comme ces âmes à t'aimer. Il faudrait que je tienne, et patiente que je saigne, que j'admette que je plaide. Car ces jours je te sens, mon amour, mon aimé, ton cancer. Je ne peux qu'accepter d'être, je me vois près de toi pour te mouiller sans blesser. Que ces jours soient plus courts, pour qu'au bout tu apprennes que je veux t'épouser. Écoute, n'est pas ça grave, chaque jour que tu fais je me plie. J'entends dans le ciel que la pluie et mes rêves peu à peu se terminent. Écoute, écoute, n'est pas ça grave, chaque jour qui se lève nous dévie. J'entends comme un air de ma vie, mes souhaits veut en feu se détruire. Écoute, écoute, n'est pas ça grave, chaque jour que tu fais je me plie. J'entends dans le ciel que la pluie et mes rêves peu à peu se terminent. Écoute, écoute, n'est pas ça grave, chaque jour qui se lève nous dévie. J'entends comme un air de ma vie, mes souhaits veut en feu se détruire. Oh, oh, oh.